Und deswegen können sie dich auch nicht erkennen. Et c'est pour cela qu'ils peuvent pas te reconnaître. Depuis quoi cinq jours du passé? Sie zitieren dein altes Selbst. Ils vont commencer à citer ton ancien soi. How you were before? Wie du vorher warst. Ton ancienne personne, comment tu étais avant? Praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord that he delivered us from before. Aber wir danken dem Herrn, dass er uns errettet hat von unserer Vergangenheit, von unserem alten Leben. On remercie l'Éternel parce qu'il nous a délivré du passé, de l'ancien homme. There's a difference between Christ and Satan. Es gibt einen Unterschied zwischen Christus und dem Satan. Il y a une différence entre le Christ et le diable. Amen. Vers 5. He said, "For we preach not ourselves." Praise the Lord. Mm. But Christ Jesus, the Lord. And ourselves, your servant, for Jesus' sake. We preach not the flesh. Wir predigen nicht das Fleisch. Mm. Donc nous, on prêche pas la chair. Amen. Mm. We preach the spirit. Wir predigen den Geist. Mais on est en train de prêcher l'esprit. Again, since the fall. Seit dem Sündenfall. Satan became the god of this world. Wurde der Satan zum Gott dieser Welt seit. Car n'est pas nous même qui pencherons. Amen. Donc depuis la chute de l'homme, c'est l'Éternel qui est devenu le diable qui est devenu le dieu de ce monde. Amen. Amen. Christ Jesus came with another world. Christus Jesus kam mit einer anderen Welt. Jésus-Christ est venu avec un autre monde. You know, Christmas time. Die Weihnachtszeit. Amen. It's almost Christmas time now. Es ist fast wieder Weihnachten. Maintenant c'est Noël, c'est presque Noël. I will thank the Lord for Christmas time. Mm. Und wir danken dem Herrn dafür. Remind us of Christ Jesus. Es erinnert uns an Christus Jesus. Ça me rappelle à Christ, le Jésus-Christ. Remind us of our birth. Es erinnert uns an unser Geburt. Ça nous rappelle de notre naissance. Amen. Amen. Amen. It reminds us of our freedom. Mm. Ça nous rappelle à notre liberté. Amen. Amen. You can see Christmas. You know, Christmas is not about family gathering together. It's about Christ alone. Amen. Ja. Denn bei Weihnachten geht es nicht darum, einfach in der Familie zusammenzukommen, sondern es geht um Christus alleine. Parce que dans Noël, il s'agit pas de d'une réunion de la famille. Il s'agit de Christ, de Jésus-Christ lui-même. It is not gathered in the name of the family. It's gathering in the name of Christ Jesus. Man versammelt sich nicht im Namen von der Familie, sondern im Namen von Christus Jesus. On n'est pas en train de se réunir au nom de la famille, mais au nom de Jésus-Christ. Because gathering to gather in the name of the family is you gather in the name of Satan. Weil wenn man sich im Namen der Familie versammelt, versammelt man sich im Namen des Satans. Parce que quand on est en train de se réunir au nom de la famille, on est en train de se réunir au nom du diable. There's nothing wrong in celebrating the period of Christmas. Because we celebrate every day. Es ist nicht falsch, während der Weihnachtszeit zu feiern. Weil wenn wir feiern, feiern wir immer wieder Christus Jesus. Et c'est pas grave de fêter Noël, parce que nous, en fait, chaque jour, le Christ. Is it about Christ or family? Geht es um Christus oder geht es um ein Familienzusammenkommen? Mais c'est quoi la raison? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ ou de la famille? Hast du diese Versammlung, wenn sie nicht von Christus ist? Tu dois détester chaque réunion qui and est pas de Christ. There. Jesus will never be there. Und hör auf, diese Versammlung immer wieder zu besuchen. Jesus würde sich dort nicht finden lassen. Et er würde nicht angehen. Et ne sois pas là parce que le Christ aussi ne sera pas là. I don't want to be anywhere where two or three are gathered in another name. Except Christ's name. Ich möchte nicht irgendwo sein, wo zwei oder drei versammelt sind in einem anderen Namen außer Christus Jesus. Moi, je ne veux pas être là où deux ou trois sont en train de se réunir dans un autre nom, sauf le nom de Jésus-Christ. Remember Matthew 18. We are two or three are gathered in my name. Because you can gather in another name. Is it the family? Is it the what do you call it? School camaraderie, you know, what is the name? It has a name. That gathering must have a name. Ja, if it is outside Christ, it's evil. Diese Versammlung muss einen Namen haben. Wenn dieser Name nicht Christus ist, dann ist es bösartig. Und egal was ist, ob Familie oder Klassentreffen oder sonstiges. Matthäus 18 ist der. Dass er auch gesagt hat, dass Matthäus 18 hat gesagt, nur in meinem Namen. Genau, nur in seinem Namen sollen wir uns versammeln. Il a dit à Matthieu, on doit se réunir seulement en son nom. Et si c'est pas son nom, si c'est le nom de la famille ou bien d'une réunion scolaire, quelque chose comme ça, ça là c'est au dehors de son nom. Et là, on ne doit pas y être. Praise the Lord. Matthieu 18. Vers 20. 18, Vers 20. He said, for where two or three are gathered together in my name, here I am in the midst of them. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Mm. On va lire Matthieu 18, verset 20. Il dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. It means where two or three are gathered in another name is not there. Das heißt, wo zwei oder drei versammelt sind in einem anderen Namen, da ist er nicht. Il a dit ici seulement qu'ils sont assemblés à son nom, au nom de Jésus-Christ. Mais si tu es, ils sont assemblés au notre nom, il n'est pas là. Remember, it's two powers that control. Erinnert euch daran, es sind zwei Mächte, die diese Welt kontrollieren. Rappelez-vous qu'il y a seulement deux puissances qui contrôlent ce monde. You are either gathered in Christ's name or you are gathered in Satan's name. Wir sind versammelt im Namen von Christus oder von Satan. Ou vous réunissez dans le nom de Jésus-Christ ou du diable. In Matthew 14, verse 17, at the beginning of Christ's ministry, of Jesus' ministry, he said, repent for another world, another kingdom is at hand. Am Anfang von der Ministry von Christus, von seinem Dienst, hat er gesagt, tut Buße, denn ein neues Königreich ist im Anmarsch. Mm. Il a dit que repentez-vous parce qu'il y a un autre royaume qui est entré, qui est proche. The earlier you know that there are two kingdoms on here, on earth, the better for you. So that you are now able to choose Christ and reject the other. Umso schneller du weißt, dass es zwei Königreiche auf Erden gibt, umso besser für dich, weil damit du weißt, welches Königreich du dich anhängst und welches Königreich du den Rücken kehrst, du verweigerst. Le plus vite que tu sais, le plus vite possible que tu sais qu'il y a deux royaumes qui dans ce monde, tu dois, c'est mieux pour toi parce que tu dois te décider quel royaume tu vas suivre. Amen. He said, repent for another world is at hand. Another kingdom, another world. Tut Buße, dass ein neues Königreich ist nah. Repentez-vous parce que un nouveau royaume qui est proche. Amen. Another world is about to begin. Eine neue Welt fängt jetzt an. Un nouveau monde commence. Amen. You can see that a kingdom is a country, not a religion. Ist ein Land und keine Religion. Un royaume, c'est un pays, c'est pas une religion. Amen. Amen. You can see it even in the natural world. UK is not a religion. It's a country. Ist Großbritannien keine Religion, sondern ein Land. Même dans le monde naturel, je peux voir que l'Angleterre, c'est pas une religion, c'est un royaume. Religion, they want to turn the kingdom of heaven to religion. Religion will das Königreich des Himmels zu einer Religion umwandeln, aber es funktioniert nicht, es ist eine Lüge. Mais les gens, la religion veulent changer et faire devenir le royaume des cieux comme une religion et pas comme un royaume. The kingdom of heaven, it means another world called heaven. Das Königreich des Himmels, das heißt eine andere Welt, die Himmel genannt wird. Donc le royaume des cieux, donc ça signifie un autre monde qu'on appelle royaume des cieux. It means Jesus brought another world called heaven. Das heißt, Jesus brachte eine neue Welt, die Himmel heißt. Ça signifie que Jésus-Christ nous a ramené à un autre monde qui s'appelle le royaume des cieux. He came with his own heavenly world. Er kam mit seiner eigenen himmlischen Welt. Il est venu avec son monde céleste. Colossians 1 said we have been translated into that world. In Kolosser 1 steht, dass wir dorthin hineinversetzt worden sind. Colossiens 3 nous dit qu'on est transféré dans le nouveau monde. And you have to know that in Christ's heavenly world there is no suffering. Wir sollten wissen, dass es in der himmlischen Welt von Christus kein Leiden gibt. No death. Kein Leiden und kein Leiden und kein Tod, aber auch kein Leiden, was hinter einem Lächeln verborgen ist, was hinter einer Maske verborgen ist. Et on doit comprendre que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de douleur ou bien tu es en train de souffrir et tu es en train de rire devant les gens, mais en toi, tu es en train de souffrir. Il n'y a pas de mort dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de mort dans le royaume des cieux. And that is why Jesus, in verse 51 of John 8, Johannes 8, Vers 51, Jean 8, verset 51. He said, verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall not see death. I don't know if you get that. Because there's no death in the kingdom of heaven. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit, weil es keinen Tod gibt im Königreich von Jesus Christus. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Praise the Lord. Hallelujah. Parce qu'il n'y a pas de mort dans le royaume des cieux. And if you read from verse 52, verset 52. From verse 52. Praise the Lord. You know, some of us, we will ask the question today, everybody die. Amen. Then why would, then what is the meaning? Aber einige von uns können vielleicht die Frage stellen, aber jeder muss irgendwann sterben. Was bedeutet das? Was sagt Jesus hier? That Jesus said you will not see that. On peut se demander, se poser la question pour dire, mais qu'est-ce que ça signifie que Jésus-Christ nous dit qu'on ne va pas voir la mort parce que tout le monde meurt? Amen. Amen. Look at from verse 52. They said the Jews unto him. Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophet. And thou sayest, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Praise the Lord. Hallelujah. The same question people will still, you know, people will even ask today. Die gleiche Frage werden Leute heute stellen. C'est la même question que les gens vont poser aujourd'hui. Amen. Are thou greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets are dead? Whom makest thou yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. There are four different types of death. I'll quickly go through them. Es gibt vier verschiedene Arten von Tod. Il y a quatre sorts de mort différents. Amen. Amen. You know, what man called death is just one. Was der Mensch tot nennt, ist einer der vier Arten von Tod. Donc, il y a quatre genres différents. C'est que l'être humain appelle la mort. Il y a seulement une catégorie. It means when the spirit, the body and the spirit, they are separated. Das heißt, wenn Geist und Körper getrennt sind, das nennt der Mensch tot. C'est que l'être humain appelle la mort, c'est quand l'esprit et le corps sont séparés. It means the body is dead. Das heißt, der Körper ist tot. Ça signifie que le corps est mort. Because the spirit never dies. Denn der Geist stirbt niemals. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Amen. It lives forever. Il lebt für immer. If you are saved or not. Ob du errettet bist oder nicht. Que tu sois sauvé ou pas. The spirit goes to heaven or to hell. Der Geist geht in den Himmel oder die Hölle. L'esprit va en enfer ou au royaume des cieux. You know, people don't want to hear about hell. Leute wollen nicht über die Hölle hören. Les gens ne veulent jamais écouter, ne veulent rien écouter concernant l'enfer. We go to Matthew 18, but before then, amen. What Christ called death? Was Christus tot nennt? C'est que le Christ appelle la mort. Il a trois catégories en fait. That Christ called death. Sind in drei Arten aber wieder zu finden. Das ist das, was Tod nennt. Amen. Und nicht die vierte, die Welt tot nennt. Dead in your spirit. Tot in deinem Geist. Your spirit is dead. Wenn dein Geist tot ist, ohne Christus. Il dit que la première mort qu'il parle est quand tu es mort dans l'esprit, donc ça signifie que quand ton esprit n'a pas le Christ. Number two, dead in your soul. Zwei, tot in deiner Seele. So that sinner shall die. In die Seele, die sündigt, soll sterben. Deuxième mort, c'est quand ton âme est mort. Donc l'âme qui commet un péché est un âme mort. The third is when you are finally in hell. Und der andere Tod ist der Tod in der Hölle. Wenn you live here, you are, you know, your spirit is finally where it is to. You choose. Wenn dein Geist dann da ist, wo du dich für entschieden hast, in der Hölle. Et troisièmement, c'est là où ton esprit est quand, selon ta décision, c'est dans l'enfer. Praise the Lord. Yeah. Your spirit, your soul, then when you are finally, your spirit is finally in the place where you have chosen, you choose. Geist, Seele und wenn dein Geist dann da ist, an dem Ort, den du entschieden hast, nämlich in der Hölle, wenn du dich gegen Jesus Christus entschieden hast. Ton esprit et ton âme et ou ton esprit, ta mort spirituelle, ton mort, oui, ton âme quand tu n'as pas le Christ et la mort là où tu seras quand tu ne choisis pas Jésus Christ. Matthieu 18, Jesus talked about hell. Matthäus 18 spricht Jesus über die Hölle. Matthieu 18, Jésus Christ parle de l'enfer. Let's go to that Matthew 18. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 18, verse 8 and 9. 8 und 9. Matthieu 18, verse 8 and 9. He was not joking when he preached this to us. Er hat keine Scherz gemacht, als er das gepredigt hat zu uns. Lui, ne blaguait pas quand il parlait de ça. He said, wherefore, if your hand or your foot offend thee, cut them off and cast them from thee. it is better for thee to enter into life, harp or lyre, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Et si ta main et ton pied est pour une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de, ta, de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie mutilée ou boiteux que d'être jeté ayant deux pieds ou deux mains dans le feu éternel. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 9, he said the same thing. Huh? If your eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. Und in 9 lese ich auch nochmal, und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'être jeté et ayant deux yeux dans la géhenne de feu. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here is interesting. Where we just read. He said your eye, your arm. You know, they are so close to you. Hier ist sehr interessant, diese ganzen Teile, die nennt, deine Augen, deine Arme, deine Beine, sind alles Dinge, die dir sehr nahe stehen. Ça c'est intéressant parce qu'il parle de tes membres, de ton corps, en fait, tes yeux, tes bras, ce sont des membres qui sont très proches de toi. And you need them so much. Du brauchst sie. Et tu as vraiment besoin de ces membres. You need them more than you even need a father or a mother. Du brauchst sie sogar mehr als ein Vater oder eine Mutter. Tu as vraiment besoin de ça plus que tu aies besoin d'un père ou bien d'une mère. You need them more than you need friends or whoever. Du brauchst sogar mehr als du Freunde und Familie brauchst. Tu as besoin de ça plus que avoir besoin de oui du. You know, Jesus can say, pluck out your eyes. Wenn Jesus sagen kann, reiß dein Auge raus, dann kann er sagen, dass du dich von jeglich anderer Sache verabschieden sollst. Si l'Éternel peut te dire d'enlever tes yeux ou bien de jeter tes yeux ou bien ton bras, ça signifie qu'il peut aussi te dire de te séparer de toute autre chose. You know, we see family so close to us. Wir sehen Familie so nah an uns. On voit vraiment, on considère la famille si proche de nous. So nah stehend, aber sind sie nicht näher als seine Augen. Mais ils sont pas plus proches que nous que nos propres yeux. Praise the Lord. Hallelujah. I have to choose Christ myself. Ich muss mich selbst auch für Christus Jesus entscheiden. Moi aussi, je dois aussi me décider pour Christ. Amen. Jesus himself has to choose his father. Jesus selbst muss seinen Vater wählen. Jésus-Christ lui-même devrait aussi choisir son père. Amen. He has to choose his father. Er muss seinen Vater wählen. Il devrait aussi choisir son père. Amen. He said, my father, my mother, my family, there are those that believe me. Gesagt, mein Vater, meine Mutter, meine Familie sind die, die mir glauben. Matthäus 12. Matthäus 12, il a dit que ma famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, qui me croient. Aber seine sweet mother was around. Süße Mutter war anwesend, als er das gesagt hat. Mais quand il a dit ça, sa mère était à côté de lui. Amen. Sweet mother was looking for Jesus everywhere. Seine süße Mutter hat nach ihm gesucht überall. Sa mère était vraiment en train de le chercher partout. Praise the Lord. From verse 43. 43. Matthieu 12, 34. When he yet talked to the people, behold his mother and his brethren stood without desiring to speak with him. 47. Then one said unto him, behold your mother and your brethren stand without desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, who is my mother? And who are my brethren? 46. Während er aber noch zu ihm vorredete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. 48. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Et verset 47 à 48, je veux lire seulement 48. Jésus les répondit quand il était en train de chercher Jésus-Christ, il a répondu, mais à l'homme qui lui disait cela, qui est ma mère et qui sont mes frères pendant qu'on lui disait que ta famille te cherche. Amen. Amen. And he stretched forth his hand. You know, he is not telling us to do what he did not do. Er sagt uns nicht Dinge zu tun, die er selber nicht getan hat. Lui, il ne recommande pas à faire ce que lui, il n'a pas fait lui-même. You have to reject the flesh. Er musste Satan auch loved the flesh. Das Fleisch verweigern. Der Satan liebt das Fleisch. Jésus-Christ devrait aussi rejeter la chair parce que le diable aime la chair. You have to ignore, reject the flesh because Satan go through the flesh a lot. Er muss das Fleisch verweigern. Der Satan geht viel durch das Fleisch. Il devrait rejeter et ignorer la chair parce que le diable travaille à travers la chair. You have to reject the flesh because Satan and use the flesh as a puppet. Wir müssen das Fleisch verweigern, denn der Satan nutzt das Fleisch, um zu töten, stehen, zu zerstören. Et on doit vraiment rejeter la chair parce que le diable utilise la chair vraiment pour voler, détruire. If he did not reject the flesh, he would not be able to save us. Hätte er das Fleisch nicht verweigert, wäre er nicht in der Lage gewesen, uns zu retten. S'il n'avait pas rejeté la chair, il n'allait pas être capable de nous sauver. If he did not reject the flesh, he will not be hätte er das Fleisch nicht verweigert, dann wären wir heute nicht Teil von ihm. Er wäre genauso gefallen wie Adam. S'il n'avait pas rejeté la chair, on allait être aujourd'hui toujours comme Adam. You have to say no to the flesh. Er musste Nein sagen zum Fleisch. Il a dû dire non. Lasst uns lernen, Nein zu sagen zum Fleisch. Es ist schmerzhaft. Let us accept Christ. That's how we are even there for them. Lasst uns Christus akzeptieren. Denn so sind wir wahrhaftig für die fleischliche, biologische Familie da. On doit apprendre à rejeter la chair, à dire non à la chair. Malgré c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on est aussi là pour notre famille charnelle. We are not choosing Christ because we hate him. We are choosing Christ because we also love him. Wählen Christus nicht, weil wir die Menschen hassen, wir wählen Christus, weil wir die Menschen lieben. On ne choisit pas Jésus-Christ parce qu'on est en train de les détester, mais non, on choisit Jésus-Christ parce qu'on les aime. If they are wrong, I'm wrong. We cannot help one another. Weil wenn sie falsch liegen und ich auch falsch liege, können wir einander nicht helfen. Parce que si eux, ils sont dans le mal et nous aussi on est dans le mal. On peut pas s'aider. Amen. They are not choosing Christ and I'm not choosing Christ. Then how can we be there for one another? Wenn sie Christus nicht wählen und ich Christus nicht wähle, wie können wir dann füreinander da sein? Eux ne choisissent pas Jésus-Christ. Moi je choisis pas Jésus-Christ. Comment on veut s'aider? If they are not choosing Christ and not choosing Christ, how can we bring out one another at all? That darkness. Wenn sie Christus nicht wählen und ich Christus nicht wähle, wie können wir dann rauskommen aus dieser Finsternis? Si eux ne choisissent pas Jésus-Christ et moi aussi je ne choisis pas Jésus-Christ, comment on veut se faire sortir de cette obscurité qu'on est? The natural family and friends should be grateful that we chose Christ. Die natürlichen Freunde und Familien sollten sich freuen, weil wir Christus nicht für uns selbst wählen, nur sondern auch für unsere Mitmenschen. Et c'est pour cela notre famille naturelle doit être fière de nous, on doit se réjouir qu'on est en train de choisir Jésus-Christ parce que on le fait pas seulement pour nous, mais on le fait aussi pour eux. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 49. 49. And he stretched out his hand towards his disciples. Amen. Amen. And said, behold my mother and my brethren. Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Et puis il étend la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et voici mes frères. Jesus did not say this to bring down, to disgrace his mother, to Jesus bring Adam. Hat das nicht gesagt, um seine Mutter zu entehren oder irgendwie sie bloßzustellen vor allen Leuten. Jesus Christ n'a pas dit ça pour rabaisser sa mère. Amen. He did not say he was not saying this to stick in and destroy. Er hat es nicht gesagt, um zu töten und zu stehlen und zu zerstören bei ihr. Il n'a pas dit pour détruire la mère en fait. He was saying this so that he can also save his mother. Er hat das gesagt, damit er seine Mutter auch retten kann. Without it, he cannot save even Mary, because he is to save Mary also. Is somebody getting it? Mary will not be saved. Il a dit ça pour aussi sauver sa mère parce que mère que plus en plus que sa mère puisse aussi être sauvée. Weil will er das nicht sagen, kann auch Maria nicht gerettet werden, weil sie braucht die Wahrheit genauso wie alle anderen. Amen. Amen. Mary braucht, you know, they need salvation. Sie braucht auch Errettung. Without salvation, yes, you cannot make it. Denn ohne Errettung schaffst du es nicht, egal wer du bist, wessen Mutter oder wessen Vater du bist. Parce que Marie a aussi dû avoir le salut parce que peu importe qui tu es, tu as aussi besoin du salut. That she gave birth to Jesus does not mean she saved. Nur weil sie Jesus geboren hat, heißt das nicht, dass sie errettet ist. juste parce que Marie a été la mère de Jésus-Christ, ça signifie pas qu'elle elle était sauvée directement. Are you getting it? Yeah. She has to also receive Jesus Christ. Auch sie steht vor der Wahl, sich für oder gegen Christus zu entscheiden. Elle aussi, elle a dû se décider pour ou contre Jésus-Christ. That's why at the end, Jesus now handle her for the disciples. Und das wird auch am Ende Jesus Maria auf die Jünger verwiesen und sie den Jüngern mitgegeben sozusagen, damit auch sie Errettung empfangen kann. Die Jünger jetzt sozusagen auch verantwortlich sind für ihre Errettung, weil sie ja jetzt als ihre Mutter von Jesus also ihnen als Mutter von Jesus mitgegeben worden ist. Donc les disciples étaient maintenant aussi responsables de son salut aussi. Amen. Then verse 50. It says, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother. My sister and my mother. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Amen. Faire quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. You can see Jesus saying it. It's about my Father. So also we are telling people it's about Christ Jesus. Jesus sagt, es geht um meinen Vater, und genauso sagen wir Leuten, es geht um Jesus Christus hier. Les gens, Jésus Christ dit ici qu'il s'agit toujours de mon Père, et c'est comme ça que nous aujourd'hui on dit aujourd'hui il s'agit que de Jésus Christ. No one forced us to be here. Niemand hat uns gezwungen hier zu sitzen, hier zu sein. Il y a personne qui nous a forcé d'être ici. We decided to choose Christ. Wir haben uns entschieden, Christus zu wählen. Amen. On a décidé de choisir Jésus Christ. Just like Jesus said, he did no one force him to come. Amen. Genauso wie Jesus gesagt hat, niemand hat mich gezwungen, hier hinzukommen, für euch zu sterben, mich für euch zu opfern. Tout comme Jésus-Christ a dit que la personne qui m'a forcé d'être ici avec vous. Amen. He said, no one forced him. So no one forced us to be here. Er sagt, niemand hat mich gezwungen, ich gebe mein Leben freiwillig. Genauso hat auch niemand uns gezwungen, hier zu sein. Wir sind freiwillig wegen Christus hier. Jésus-Christ a dit que la personne qui l'a forcé à se faire crucifier pour nous, c'est lui-même qui a donné son cœur. Il s'est fait crucifier par amour, et c'est comme ça que nous aussi, il y a personne qui nous a forcé à être ici, on est ici par l'amour. Is somebody getting it? He just chose his father. Er hat einfach seinen Vater gewählt. Il a choisi son père. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you know death in the spirit, you know Genesis 2 and 3. You know God introduced death to Adam. Amen. In Genesis 2. And Adam died. Amen. No, it's not God. It's not Satan that introduced that death. It's God himself. And later, Adam disobeyed God, and he did die. In 1. Mose lesen wir, dass dass es Gott war, der Adam den Tod sozusagen vorgestellt hat, ihm erklärt hat, wenn du mich missachtest, wirst du sterben. Und Adam ist gestorben nach der Missachtung nachdem er Gott missachtet hat. Aber dennoch war er noch lebendig hier auf Erden, jahrelang nach diesem Urteil, nach diesem Tod. En Genèse, on voit que c'est Dieu qui a introduit à Adam la mort, qui lui a présenté la mort. Il dit que si tu fais quelque chose de mal, si tu manges de ce fruit, tu me désobéis, tu mourras sûrement, tu vas mourir. Et Amen. On voit que Adam a continué à vivre, même des années et des années après. Mais il était mort, mais ce n'était pas la mort selon ce monde, c'était une mort spirituelle. Adam disobeyed God and he died. Adam was still here years upon years here on earth. Adam hat Gott missachtet und ist gestorben. Aber dennoch hat er als toter Mensch weitergelebt und hat als toter Mensch Kinder gezeugt. Adam, il était mort après avoir désobéi Jésus-Christ, Dieu. Mais après ça, il a continué à vivre et il a aussi eu des enfants. Donc un homme mort qui a couché et qui avait des enfants. Matthäus 5, Vers 3. Achso, 1. Mose. Amen. Genesis 5, Vers 3. Genesis 5, Vers 3. Amen. Praise the Lord. Who will help us to read this verse 3? Und Adam, okay. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild. nannte ihn Seth. Praise the Lord. You can see a dead man giving birth. Ein toter Mensch, der ein totes Kind gebärt. Ici on voit que Adam avait vécu encore 130 ans après, il a eu un enfant de nom Seth. And that's why without Christ, I don't want to hear anything about your baby. Und deswegen, ohne Christus will ich nichts über deine Kinder hören. Because they are as dead as you. Wir sind genauso tot wie du. Look at it. He said, and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. No longer the likeness of Christ. In seinem eigenen Gleichnis. In Genesis 1:26. Bild. Nicht mehr das Bild von Christus Jesus, von Gott, ne, was wir in 1. Mose schon gelesen hatten, sondern jetzt nach seinem eigenen Bild. Adam vécut et il engendra un fils à sa ressemblance, donc selon son image, donc plus la ressemblance et l'image de Dieu, mais sa propre image. Put your hand here and go to Genesis 1:26. Wir kommen gleich nochmal zu 1. Mose 5 zurück. 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness. You see this? The likeness of the Almighty God. 1. Mose 1:26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, das Bildnis Gottes. Verset 26, Dieu dit que faisons l'homme à notre image, donc selon notre ressemblance. Donc ça signifie que Adam avait la ressemblance de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. And after the fall, Adam was no longer having the life of Christ, the life of the true God. Und nach dem Sündenfall, he was not having the likeness of this world. Und nach dem Sündenfall hatte Adam nicht mehr dieses Ebenbild. Er hatte nicht mehr das Ebenbild Gottes, er hatte jetzt das Ebenbild des Todes, des Satans, weil er dem Satan gehorcht hat durch den Ungehorsam. Donc après la chute de l'homme, Adam n'avait plus la ressemblance de l'Éternel, mais il avait maintenant sa propre ressemblance qui était la ressemblance de la mort. Praise the Lord. If you go back to Genesis 5:3, it said, and Adam lived 130 years. On rentre à Genèse 5. And begot a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth. Amen. And you can see that for you to know that it was no longer the likeness of God, can't kill a baby. Und damit ihr seht, dass es nicht mehr das Ebenbild Gottes war, Kain hat Abel getötet. Et pour que vous rappeliez aussi que vous soyez aussi conscient que l'homme n'était plus à l'image de Dieu, on peut voir ça à travers l'exemple où Caïn a tué Abel. Amen. Amen. We will not go there because it will take us to another direction. Praise the Lord. Amen. You can see, you know, if you have more children, can't kill Abel. You can see that, you know, the Lord did not create us to kill one another. Yeah. Because he now has his own likeness, the nature that is different from that of the Almighty God. He now has satanic nature, the nature of hatred. Of death, of sicknesses and of hatred, of bitterness, unforgiveness. Weil er dann nicht mehr das Ebenbild Gottes hatte, was voll von Herrlichkeit ist, sondern das Ebenbild des Teufels, was voll von Tod, von Zerstörung, von Bitterkeit, von Hass ist. Ne? All das wurde gebärt und dann halt sogar in der Form von Abel und Kain dann halt sichtbar, indem sich der eine den anderen tötet. Donc l'Éternel nous avait pas créé pour se tuer l'un et l'autre. Et on peut voir que Adam était vraiment réellement mort, parce que quand il est mort, la ressemblance de Dieu, il n'avait plus, et il a commencé à faire naître aussi sa propre ressemblance, qui est la mort, et le fruit de cette mort, c'est quand les gens sont en train de se faire tuer, comme Adam et Caïn et Abel. Praise the Lord. Genesis 5:3 said, Adam started giving birth to dead people, like himself. Und in 1. Mose lesen wir, dass Adam tote Menschen gebärt hat, die genauso tot waren wie er selbst. Donc Genèse 5:3 nous dit brièvement que Adam a commencé à faire accoucher, mettre au monde les gens morts. And that's why if you are not truly saved, wenn du nicht wahrhaftig errettet bist, the marriage, whatever is of you, the outdate. Deine Ehe, deine Abschlüsse, deine Errungenschaft, alles von dir ist tot. Donc ça signifie que si tu n'es pas né de nouveau, tout ce qui sort de toi, tes mariages, tes enfants, ton tout, c'est mort. Amen. And that baby is a dead baby like you. Und dieses Baby ist ein totes Baby, genauso wie baby du. Là, il est aussi un bébé mort comme toi. Praise the Lord. Hallelujah. We have read to we in Deuteronomy. We are said choose for yourself and your seed. Wir waren 5. Mose, wo steht, dass wir für uns selbst unseren Samen erwählen sollen und dass wir für das Leben entscheiden sollen. On venait de lire Deuteronome où il nous dit qu'on doit choisir pour nous et nos prospérités. Amen. Let me repeat this again. Religious people, especially here in Europe, always think, no, for them it's always preach the truth. Say preaching the truth. We always bring fear. Sie sagen immer wieder, dass die Wahrheit zu predigen Angst erzeugen in Menschen. Et toujours on sait que quand on est entré de choisir de dire la vérité et de prêcher la vérité, les gens ont peur. It brings fear, it brings. Bringt Angst. Yeah, and you know, and people are now in fear. You have been fear before. Und deswegen soll man es vermeiden, aber. You have always been fear. Angst war schon immer dein Nachbar, also das ist jetzt nichts Neues, dass sich Leute gefürchtet haben. On dit oui, les gens auront peur, mais oui, les gens ont toujours eu peur. Peu importe ce qu'on a dit, les gens avaient toujours peur. But we read that Jesus said, preaching the truth bring freedom. Aber wir haben gelesen, dass Jesus gesagt hat, die Wahrheit zu predigen bringt Freiheit. Mais on venait de lire que Jésus-Christ a dit que quand tu prêches la vérité, ça amène la liberté. Amen. And as long as you are here on earth, it is either you choose Christ to control you or Satan will control you. Und solange wir hier auf Erden sind, müssen wir uns entscheiden, ob entweder der Satan uns kontrolliert oder Jesus Christus uns kontrolliert. Et selon vu qu'on est aussi sur la terre, on doit se décider qui va nous contrôler, ou c'est Jésus-Christ ou c'est le diable qui nous contrôle. Praise the Lord. Hallelujah. Quickly go back to James. Jacobus. Jacques. James, James 4. Jacobus 4. Jacques 4. Vers 7. Vers 7. Verset 7. He says, submit yourself therefore to God. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. That's how to resist the devil. Und er wirft euch nun Gott und widersteht ihr dem Teufel, so flieht er vor euch. Soumettez-vous à la vérité et c'est comme ça que le diable vous fuira. Amen. You can see the Lord even help us to understand, to know how to resist the devil. Der Herr hilft uns zu verstehen, wie der Satan widersteht von uns, wie der Satan vor uns flieht. Et Jésus-Christ ici nous fait voir comment, il nous aide à comprendre comment faire fuir le diable et quand on est en train de résister à la vérité. Just like he said in Old Testament, Deuteronomy 30, he's saying the same thing here. Choose me, so that the devil will run away from you. Genauso wie er es im Alten Testament auch gesagt hat, entscheidet euch für mich, damit der Teufel flieht. Et c'est comme ça qu'il a dit aussi en l'Ancien Testament, choisissez-moi pour que le diable puisse fuir. Yeah, he's looking for people to live in and live through. Denn der Satan sucht nach Leuten, durch die er leben kann. Et parce que le diable, il est en train de chercher aussi quelqu'un à travers qui aussi travailler et vivre. Once it comes to Christ or Satan, there is nothing like democracy. Gibt es keine Demokratie? Et quand il s'agit de Jésus-Christ, il n'y a pas de démocratie. What we have, okay. Praise the Lord. Amen. Once it comes to Christ or Satan, there is nothing like democracy. Wenn es um Christus geht, da gibt es keine Demokratie. Et quand il s'agit de Jésus-Christ, il n'y a pas de démocratie. There's no democracy in spiritual world. Es gibt keine Demokratie in der geistlichen Welt. Il n'y a pas de démocratie dans le monde spirituel. You either allow Christ to control you or you allow Satan to control you. Entweder lässt du zu, dass Christus dich kontrolliert oder Satan wird dich kontrollieren. Ou tu permets au diable de te contrôler ou c'est le Christ qui te contrôle. Praise the Lord. Amen. You know, some people, they are so used to themselves. They are so used to themselves. No one is going to control me. No one is going to control me. I can control myself. Ne, wir sind so daran gewöhnt, sich selbst zu kontrollieren. You cannot even control. You know, the spiritual world will control you if you like it or not. Mm. Sie meinen, ihr eigener Herr zu sein, aber sie machen sich was vor. Ne? Die geistliche Welt ist die, die kontrolliert und nicht der physische Mensch aus Fleisch und Blut, der einfach nur eine Marionette des Ganzen ist. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très fiers, qui sont vraiment, ils ont vraiment cet esprit de la fierté, qui disent que oui, il y a personne qui va me contrôler, mais tu es en train de te faire, de te mentir, de te tromper, parce que il y a où le monde spirituel contrôle toujours le monde physique, donc il y a toujours quelque chose qui va te contrôler. Praise the Lord. Hallelujah. You are either a baby for Christ or you are a baby for Satan. Du bist entweder ein Baby für Christus oder ein Baby für den Satan. Ou tu es un bébé pour le Christ ou tu es un bébé pour le diable. Praise the Lord. Hallelujah. Those of us that choose Christ, we remain his babies forever. Und die von uns, die sich für Christus entscheiden, wir bleiben für immer seine Babys. Et seulement les gens qui sont en train de se laisser contrôler par Jésus-Christ vont toujours rester les bébés du Christ pour toujours. Before him, there is nothing like I'm matured enough. Vor ihm kannst du nicht sagen, ich bin jetzt reif genug, unabhängig von Jesus Christus zu leben. Das funktioniert nicht. Et devant Jésus-Christ, tu peux jamais dire que oui, moi je suis vraiment mature, ma maturité elle est haute. Before problems, you are Christ. Bist du Christus? Devant les problèmes, nous sommes le Christ. Are you getting it? Amen. But before Christ, you remain a baby forever. Aber wenn es Christus geht, bist du für immer sein Säugling, sein Baby, auf das er aufpasst. Amen. Mais devant le Christ, tu es toujours son bébé. Amen. There's nothing like I am matured enough to live on my own, to live as I want. Da gibt es keine. Ich bin alt genug oder groß genug, um so zu leben, wie ich es möchte. Il n'existe pas. Le sort de genre de maturité où tu te dis que ben mais je suis mature, j'ai la maturité, c'est pour cela que je peux vivre moi-même. In the natural world, yes. La natürliche Welt, ja. Dans le monde naturel. Once you are 18, you don't know the natural world. Once you are 18, bist. Some people gain freedom when they are 10. Andere sind schon mit 10 selbstständig und sollen alles und können alles unabhängig von ihnen machen. Amen. Okay, sorry. Okay, selbst wenn sie schon 10 Jahre alt sind, sind sie sogar schon ab. Sind einige Leute schon abhängig von ihren Eltern und sollen und dürfen alles machen. Mhm. Wenn sie unabhängig von ihren Eltern sind. Manche Leute sind ja schon mit 10 unabhängig, also dann quasi. Wollen sich unabhängig machen. Okay, einige Leute wollen sich mit 10 schon unabhängig von ihren Eltern machen. Donc on doit comprendre que si dans le monde naturel c'est à partir de 18 ans que tu es indépendant, et il y a aussi beaucoup de gens qui sont même à 10 ans et veulent déjà être indépendants de leurs parents. In the natural world, yes. In der natürlichen Welt, ja. 18 is the normal age. Ist mit 18 schon volljährig? Amen. Dans le monde naturel, oui, quand tu as 18 ans, tu es indépendant. Amen. Papa est saying 21 too. Ou dans d'autres Länder 21. Ou dans d'autres pays 21 ans. Amen. You know, your natural parents have no more authority over you then. Amen. From that time. Ab da an haben deine natürlichen Eltern keine Kontrolle mehr über dein Leben, sie erlassen dich. Donc à partir de 18 ans ou bien de 21 ans dans un autre pays, tes parents n'ont plus de contrôle. But not in Christ's world. Aber nicht in der Welt von Christus. Donc ils contrôlent plus ta vie, mais pas dans le monde du Christ. That is not in Christ's world. Nicht in Christus. Pas dans le monde du Christ. In the kingdom of heaven. Im Königreich des Himmels. Dans le royaume des cieux. Amen. Mm-hmm. In Christ's kingdom, you remain, you are a baby. Forever. I will repeat it again. Im Königreich von Christus bist du für immer ein Baby. Dans le royaume des cieux, tu es toujours un bébé. Und ich wiederhole das nochmal. Because you are born by God. Weil du geboren bist aus Gott. Dans le royaume des cieux, tu es toujours un bébé parce qu'on est né du Christ, de Dieu. Once you are born by God, God is now your mother, your father. Wenn du geboren wirst von Gott, ist Gott Mutter und Vater für dich. Dès que tu es né de Dieu, Dieu est ta mère, est ton père. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 12. Johannes 1 to 14. 12 bis 14. He said, but as many as receive him. Jean 1, 12 à 14. Praise the Lord. Amen. Are we there, please? John 1:12. Johannes 1 ab 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. Mm. Even to them that believe on his name. Verse 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Donc c'est, il leur a donné, mais quand à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Verse 13. Are we there, please? It says, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Born of God. Geboren sind aus Gott. The Bible said you are born of God. Die Bibel sagt, du bist geboren aus Gott. God himself is your mother, God, your father. Amen. Selbst ist dein Vater, seine Mutter. Amen. Qui non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu sont nés. Donc, c'est, ça signifie que quand tu es né de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est tes parents. Praise the Lord. And that's why you are called the sons of God. First John. Let's go to First John. First John 3. Et c'est pour cela qu'on nous appelle les fils de Dieu. Praise the Lord. 1 John 3. 13:3. First John 3, verse 1 and 2. 1 and 2. Is that B? Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Mm-hmm. He now gave birth to us. Er ist geboren. He is my Father, he is my mother. Er ist mein Vater, er ist meine Mutter. Il est notre Père, il est notre Mère. Believe it, please. Believe it. He wants you to believe it. And live that life. Er will, dass wir das Glauben, dieses Leben führen. Il veut qu'on puisse lui croire et mener cette vie. Amen. Amen. Therefore, the world knoweth us not. Even our natural parents, they don't know us. They cannot understand it. Why we keep on choosing Christ and saying no to the flesh. Amen. Sie können nicht verstehen, weshalb wir ja zu Christus und nein zum Fleisch sagen. Même nos parents naturels ne peuvent pas comprendre pourquoi on est en train de choisir Jésus-Christ et dire non à la chair. Amen. Amen. He said, therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Amen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Donc le monde ne peut pas nous reconnaître parce qu'il n'a pas aussi reconnu Jésus-Christ. They don't know Christ. How would they know you? Sie kennen Christus nicht. Wie wollen, sollen sie dann dich erkennen? Ils n'étaient pas capables à connaître le Christ. Comment ils veulent, ils doivent te comprendre, te connaître. It means if they know Christ, they will know you. Das heißt, wenn sie Christus kennen, kennen sie dich. Ça signifie que si ils connaissaient Jésus-Christ, ils allaient te reconnaître, te reconnaître. Praise the Lord. Alléluia. Okay. Beloved, look at verse 2. Now we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amen. Verse 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que au temps de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Verse 3 is telling us that we are to believe it. Vers 3 sagt uns, wir sollen glauben, dass wir Söhne Gottes sind. Verset 3 nous dit que quiconque a cette espérance en lui seront pur comme lui-même est pur. Because when he came, he believed he was the son of God. Amen. Denn wenn, als er gekommen ist, hat er geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Il a dit qu'on doit vraiment croire qu'on est comme lui parce que lui, quand il était ici sur terre, il avait cru qu'il était le fils de Dieu. Il savait ça. And every man that had this hope in him purified himself, even as he is pure. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Bible called us sons of God. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich auch er rein erst. Is somebody that in it? Kannst du es nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? The Bible called us sons of God, and not sons of man. Die Bibel nennt uns Menschen, nennt uns Söhne Gottes und nicht Menschensöhne. La Bible nous appelle les fils de Dieu et pas les fils de l'homme. As a son of God, there's nothing like I'm already. I'm now 18 years old. The Lord is not to control me any longer. Als Sohn Gottes gibt es kein Alter, in dem du volljährig bist und der Herr dich nicht mehr leiten soll. Quand tu as 20, quand tu es un fils de Dieu, il n'y a pas quelque chose d'autre qui te contrôle. There's nothing like I am mature enough to know everything, to remain a baby. Es gibt keine, ich bin reif genug, ich weiß alles schon, sondern du bleibst immer ein Baby. Quand tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas dire que je suis majeur, je connais déjà tout, mais tu restes toujours un bébé. There's nothing like I am matured enough and I can direct my life. I don't need to be under Christ anymore. Es gibt keine, ich bin erwachsen genug, ich muss nicht mehr unter Christus sein. Et il n'y a plus que, oui, tu es maintenant majeur et tu ne dois plus être... sous le Christ. You know, under Christ. I just said under Christ. Under Christ means the ministry. It means the Bible studies. Unter Christus bedeutet auch unter der Gemeinde, unter der Bibelstunde. Sous le Christ, ça signifie que tu es sous l'Église, sous les écoles bibliques. I don't need the Bible studies anymore. Ich brauche die Bibelstunde nicht mehr, weil ich reif genug bin. Tu ne peux pas dire que j'ai pas besoin des écoles bibliques parce que je suis oder ich brauche die Botschaft nicht mehr, ich bin reif genug. Ou bien tu dis que tu n'as pas besoin de message parce que tu es maintenant majeur. Amen. In the natural world, yes, you don't need your natural parents. Ja, du kannst verreisen, wo du willst. Are you getting it? Interessiert sie nicht. Du bist vogelfrei sozusagen, aber dans le monde naturel, oui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux partir dans un pays, dans un autre continent, comme tu veux. Tes parents naturels ne peuvent pas t'empêcher parce que là, tu as droit à ça. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça. Is somebody getting something? Mm-hmm. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. I don't need Christ anymore. I don't need the Bible. I don't need Christ anymore. You may not say I don't need Christ anymore, but you still, I don't need the Bible studies. It means you don't need Christ. Because you cannot separate Christ and the Bible studies. You cannot separate Christ and the ministry and the message and the services that we have here. Because without this, without Christ, what are we doing here? Then we should just go home and live on our own. Wenn du, du sagst zwar nicht wirklich, ich brauche Jesus Christus nicht mehr, wenn du sagst, dass du die Bibel dann hier nicht mehr brauchst, die Gemeinde nicht mehr brauchst, die Botschaft nicht mehr brauchst, sagst du damit, dass du Christus nicht mehr brauchst, weil die Gemeinde und die Bibelstunde ist doch Christus, weil ohne Christus, was machen wir dann hier noch? Et tu peux pas dire que oui, j'ai pas besoin de écoles bibliques ou bien de parce que je suis maintenant mature. Non, je ne peux pas le dire dans le royaume des cieux parce que c'est comme si tu es en train de dire que oui, je suis âgée et je n'ai pas besoin de savoir la même chose que vous savez et moi, je le sais déjà. Parce que si c'était le cas, qu'est-ce qu'on fait ici alors? Praise the Lord. Amen. Amen. You don't need Christ anymore. It is unlike the natural world. The natural world, you can say you don't need your parents. Amen. And the law allow it. But in Christ's world, Jesus told us in John 15. It's like a tree. If a branch is out, it's going to die. Ja, natürlich kannst du irgendwann sagen, ich brauche meine Eltern nicht. Rechtlich gesehen kannst du das sogar auch durchziehen und machen, ne? Aber weltlich gesehen recht kannst du das sogar durchziehen und machen. Aber im Königreich Gottes ist das nicht so, ne? Da bist du für immer abhängig von Christus Jesus. Und wir lesen das auch in Johannes 15, wo er sagt, dass wenn du einen Ast abnimmst von einem Baum, wird dieser Ast irgendwann sterben. On va lire après Jean 15 qui va nous faire voir encore que dans le royaume des cieux, tu es toujours dépendant de la source d'où tu viens. Donc, tu n'es jamais indépendant parce que dès que tu commences à être indépendant, tu n'es plus de la source, tu ne appartiens plus au royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. So, under Christ means the ministry. Amen. Amen. Unter Christus zu sein, heißt auch unter Which der Gemeinde is your zu sein. And sisters. Quand, deine Geschwister. Quand tu es sous le Christ, sous les Jésus-Christ, ça signifie que tu es aussi sous tes, aussi dépendant au-dessus de tes sœurs et frères en Christ. There is nothing like I want to be free from them. Da gibt es keine, ich will frei sein von ihnen. Ja, ça ne marche pas quand tu dis que oui, je suis, je suis dépendant du Christ, mais je veux être libre, libéré de mes frères et sœurs. It means I want to be free from Christ. Ça veut dire que je veux frei sein von Christus, ça sagst du damit. Parce que quand tu le dis, tu veux dire, c'est comme si tu veux dire que je veux être libéré du Christ. Amen. There's nothing like I want to be free from the service. I want to be free from Bible studies and all other activities in Christ's ministry. Mm-hmm. Es gibt keine, ich möchte nichts mit den ganzen Aktivitäten der Gemeinde zu tun haben, Bible Study oder sonstiges, wenn es eine lebendige Gemeinde ist. Damit will man sich von Christus aus absondern. Quand tu es dans une église vivante, ça, tu peux pas, tu peux jamais dire ou bien oui, dire que je veux être libéré de des écoles bibliques ou bien du des activités de l'église, ça n'existe pas parce que ça signifie comme si tu veux être aussi libéré du Christ. Jesus said, without me, you can do nothing. He's talking about you and me. Mm-hmm. Without the God children, you are doomed. Ohne Kinder Gottes, ohne einander sind wir verloren. Et sans Jésus Christ et sans le ministère, on est vraiment super. The only Christ you can see. Den einzigen Christus, den wir sehen können. Den einzigen Christus, den wir sehen können, sind unsere Brüder und Schwestern Christus. Parce que le seul Christ qu'on est capable à voir visuellement, c'est son nos frères et sœurs en Christ. Johannes 15. Jean 15. Amen. Remember Jesus when he said, when you did it for them, then you did it for me. Are you getting it? Because doing anything for them is doing it for me. Your brothers and sisters in Christ. Yeah, the Christ you can see right Jesus sagt, wenn ihr das für mich, wenn ihr das für sie getan habt, für den Kleinsten getan habt, ihr es für mich getan, weil sie und ich, wir sind eins. Amen. Jean 15 dit que si tu as fait ça pour eux, tu as fait ça aussi pour moi. Donc, on doit savoir que n'importe quoi qu'on fait pour un de ces petits dans son royaume, on le fait au Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. What I just said is in Matthew 25. Was ich eben gesagt habe, ist Matthäus 25. Please let it be your homework. Lass bitte zu, was eure Hausaufgabe ist. Lise Matthäus 25. Matthäus 25. Amen. Read it as a whole. The Lord will help you to get it. Amen. Lies das bitte vollständig. Der Herr wird euch helfen, das. From one to the end. Lies das bitte vollständig. Der Heilige Geist wird euch helfen, das zu verstehen. Lisez ça à la maison, Matthieu 25. Jusqu'à la fin, l'Éternel va vous aider à le comprendre. 25. Put something. Ganz. Put one finger here. John 15. Then go to Matthew 25. Matthäus 25. Matthieu 25. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. From verse 31. Quickly go through. He said, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. Praise the Lord. Verse 33. And he shall set the sheep on his right hand, but the goat on the left. Then shall the king say unto them on the right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Then shall the righteous ask him, verse 37, saying, Lord, when saw we thee, and hungry, and fed thee, or thirsty, and give thee drink? When saw we thee, a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee, sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer, verse 40, and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of this least of this my brethren, you have done it unto me. Amen. Praise the Lord. Amen. The Christ you see are your brothers and sisters in Christ Jesus. Den Christus, den du siehst, das sind deine Brüder und Schwestern in Christus. Le Christ que tu es capable à voir, ce sont tes frères et sœurs en Christ.